faire écouter de la merde à nos petites sœurs, à nos petits frères. Tu peux boycotter, le message passe. Le vrai combat, c'est celui qu'on mène. Ils le savent, t'as ma parole. Écoute mec, je suis là pour te parler. Même si les mythos, leurs pilules, tu les as avalés. Ceux qui se foutent de ta gueule, rigole. Moi c'est rap tout le temps, va te demander Interpol. Je mets tous les traîtres au défi. Quand j'arrive sur le beat, c'est pour ça qu'ils se méfient. C'est la population que je représente, est grillée. Bidon, mes rimes te font mal au ventre. On a la rue avec nous et l'État contre nous. Sa mère, nous on ira jusqu'au bout. C'est du son pour les frangines, les frangins. Ça vient du cœur, ici y'a pas de baratin. Je te mets la puce à l'oreille. On est réveillés depuis longtemps, laissez connards dans leur sommeil. On fait du son parce qu'on aime. On pose quand il le faut, mec, avec ou bien sans problème. Le vrai combat, c'est celui qu'on mène. Hip-hop, phénomène, alibi à la tienne. Le vrai combat, c'est rap à la mort. Parole de rue, mentalité hardcore. Le vrai combat, c'est celui qu'on mène. Hip-hop, phénomène, alibi à la tienne. Le vrai combat, c'est rap à la mort. Parole de rue, mentalité hardcore. Quand tu m'appelles pour l'attentat, t'appelles un fusil mitrailleur. T'as peur d'être blessé mec, vas-y mets-toi ailleurs. Alibi, Buena Hit, Montana, ça nique tout. Tu la voix du peuple, écoutez par tous les voyous. Sur 24 pistes, terrifiant, terroriste. Tu conterreras, t'as ma parole, je sais pas s'il existe. Joue pas les joueurs Zeniger, sinon t'auras toujours tort. Y'en a rien à foutre, nous on les baisse, les Terminators. J'ai pas délai, je veux des 4000. Fais pas le poids avec une arme, ici nous on kill. Trop serré pour mettre des armes, on porte plus de Lévi-Strauss. 93, racaille à mort, dans le pack il est bastos. Le vrai combat, c'est celui qu'on mène. Hip-hop, phénomène, alibi à la tienne. Le vrai combat, c'est rap à la mort. Parole de rue, mentalité hardcore. Le vrai combat, c'est celui qu'on mène. Hip-hop, phénomène, alibi à la tienne. Le vrai combat, c'est rap à la mort. Parole de rue, mentalité hardcore. J'suis complètement fou, mon lieuzard te passe tout. Buena Hit, racaille, grand Manitou. J'rappe comme je vis comme je rappe. Pas besoin, comme toi, non de gravir les étapes. Ma musique, c'est pour les quartiers. Ça met un doigt à Le Pen, Hitler, ça va le déterrer. Je porte haut le drapeau des immigrés. Numéro des groupes, de MNR, de Maigret. Alibi, L.I.M, c'est le ghetto. Bouffon pour tester, faudra te lever tôt. On met ce qu'on a au service de la rue. Même après la tôle, connard, tu vois, j'ai réapparu. Là pour les miens sont là pour moi. Rien à foutre du commercial, au mic, on les nettoie. 2005, la même mentalité. 2006 et après, toujours pareil, refrain. Le vrai combat, c'est celui qu'on mène. Hip-hop, phénomène, alibi à la tienne. Le vrai combat, c'est rap à la mort. Parole de rue, mentalité hardcore. Le vrai combat, c'est celui qu'on mène. Hip-hop, phénomène, alibi à la tienne. Le vrai combat, c'est rap à la mort. Parole de rue, mentalité hardcore. Le vrai combat, c'est celui qu'on mène. Hip-hop, phénomène, alibi à la tienne. Le vrai combat, c'est rap à la mort. Parole de rue, mentalité hardcore. Le vrai combat, c'est celui qu'on mène. Hip-hop, phénomène, alibi à la tienne. Le vrai combat, c'est rap à la mort. Parole de rue, mentalité hardcore.